Ok, ok. Allez, pas qu'on était petits. Ok, j'arrive avec la dalle, y'a pas de marche arrière. À l'époque on était petits, on n'avait pas de carrière. Mes potes pariaient, me disaient Naps, Garelé, Barbelé. Ils passent par les portes, nous les barbelés. T'es tombé, c'est rien, faut te relever. Ce que me dit la maman, celle qui m'a élevé. Tu vois la tête qui bouge, tes potes, ouais ça le fait. C'est plus le même, le veste, ça découpe, y'a pas d'effet. J'avais des alliés, c'est devenu des aliens. Moi, j'étais là pour eux, eux ils me font des manières. Comment tu parles toi, je te connais d'hier. Et panique et t'es mort, toi et toute ta filière. C'est une vaillante, voilà moi je l'apprécie elle. Elle aime bon délire, elle est pas superficielle. Hier j'étais calé, je regardais vers le ciel. Je pensais à mon poteau que j'ai perdu en quatrième. Et à l'école j'étais dans les derniers. Disais qu'est-ce qu'il a ce fou, il chancelle, il est perché. Zama, il persiste, il croit qu'il va percer. Ça m'a rendu plus d'équerre, en vrai je vous remercie. Ça donne un peu d'amir. À côté il y a une vira. Je sais pas où on ira. Elle voulait tes sous. Elle se faisait donner, tu me disais t'es fou. T'as trop pardonné, maintenant elle s'en fout. Faut pas marronner, elle valait rien du tout. J'ai bien perronné à côté, c'est rien du tout. Serre-moi un perroquet dans du box, mais moi j'oublie tout. Envoie les VHR, si je fais choquer, j'oublie tout. J'fixe la luna, j'gamberge, j'pète une j'tourne. T'as vu c'est hardcore et ta blessé c'est grave. Renouvelle les passeports, tu finis épave. T'as vu c'est hardcore et ta blessé c'est grave. Et t'as fini épave. Dans son faux Chanel, dans les carrés, je l'ai vu scaler. Pas de tombé que du Jack Daniel. Rapta sur tous les verres, y'a son rouge à lèvres. Elle veut des pigeons, pas de blablabla. La nuit est michetonne, pleine de rablabla. Elle vient à l'hôtel, pas de blablabla. Elle nique ta banane, pas un blablabla. Encore une fois.